original, Coco e Cumbitla, we. Ba-ba-ba-ba-ba, eh. Oh, les nègres marrons, enflé liberté, hein. Disparaître dans des forêts, forêts de plantations, m'envoler loin. Les jeunes de béton, traverser toutes les nations, et nous comme un papillon, mais contre horizon. Je joue au face à face avec la menace et la souris. Arrêtez ça! Ils ont pas fait assez des autres. Ils ont pas fait assez des autres. Chauffez, chauffez, chauffez, chauffez, chauffez, passez la fin fête. Elle s'en fait chauffer, chauffer, en mouvement, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, chauffer. Allons. Original, Coco et Cumbitla, ouais. Balabala, papa. Kinkin, hey. On les nègres marrons, emblée liberté en Zion. Disparaître dans des forêts, forêts de plantations, m'envoler loin. Des jeunes de béton, traverser toutes les nations, mais nous comme un papillon. Je joue au face à face avec la menace et la survie contre elle. Je joue, je dépense mon as et mon joker. Pour sortir de la galère, je donne un coup pour tous ceux qui veulent le paradis sur terre. Des autres sociaux pour voyage au voyage pour nous vélo. Pas les témoins en caille soufflé. Oh non non non, en plein beauté. Honnêt et respect, major à toute major. Mimicié qu'arrivé, coutoum perdé. Autant pour les cas mélanger. On rêve nous d'y chanter. Ouh la la la. Chanter la foi. Mais faut toujours lutter pour faire de bonnes actions. Beaucoup de péchés, j'ai compris une leçon. Donc pas pour la vie et non pas pour du pognon. Bon, ça y est, pas les gens de l'aide. Allez, allez, allez, allez, allez, allez. Et en bon chemin, ouais, et puis guitare. Attirer le poète, les bas. Yo mama, yo mama, yo mama, yo mama. Et en bon chemin, ouais, et puis guitare. Attirer le poète. On décolle avec Ariane qui est la fusée. Déterminée à libérer la liberté. Premier round, je mets mes gants face à la décadence. Je ne ferai pas de sentiments. Double fête, révisible comme l'eau avant. Livré intrépide comme le vent. Libéré par Dieu, enchaîné par Satan. La frontière est là, à force de choisir tout. Quand tu m'entends se guérir. One, two, one, two, test the mic. On vigile tombé, pas de la couille au fait. C'est bien voilà où il est. Tout décolle à changer. Avant c'était ça, ouais. Découpé, m'enlot, tiré, et puis en l'eau, pas patinette. Sans plein, sans croissant, sans sang. T'as pas assez besoin, ben il tombe. Comme le vivait à temps. Mais en franchise, ouais, et puis guita. Faites pas. L'alpha l'oméga, on marque nos chanteurs guadassés. Special dedicated to the King Key, Japanese, and Friars.